hors champ. Orchamps, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Annie Lebrun. Du premier poème que vous avez lu ? Non. Non, non. Êtes-vous devenue poète en lisant de la poésie ? Je sais pas. Je peux pas répondre à une question comme ça, non. Mais je crois que c'est à partir de l'âge de 17 ans que vous avez commencé à écrire. C'est plutôt parce que je me sentais mal à l'aise partout. C'est plutôt ça. Et que il n'était pas question que je rentre... dans les choses qu'on avait imaginées pour moi, que je prenne les chemins tracés, voilà. Donc c'est sans aucune décision que je me suis retrouvée de ce côté-là, plutôt que j'ai fréquenté des gens qui étaient intéressés par la poésie. Vous êtes montée à Paris, comme on dit ? Pas vraiment, mais j'aimais pas beaucoup la province où j'habitais, donc je trouvais tous les moyens. Je cherchais tous les moyens pour partir de cette province balsacienne, voilà. Donc c'est tout. Donc Paris était quand même autre chose que ça. Et vous connaissiez personne quand vous êtes arrivée à Paris ? Non. Alors comment fait-on pour rencontrer André Breton ? On frappe à sa porte ? Ah non, non. Non, non, c'est pas mon genre. Non, non, pas du tout. Mais c'était plutôt que justement de Rennes où j'étais, j'étais en contact avec quelques jeunes gens qui ne se sentaient pas mieux que moi dans le monde qui nous était proposé. Et l'un d'eux avait envoyé, je crois, ses poèmes à Breton et qui avait quand même cette qualité extraordinaire de répondre quand des jeunes gens le sollicitaient. Et ce garçon était en contact avec Breton. Et donc, à un été, il m'a dit, mais on pourrait pas, moi, je passe par le village où Breton passait ses vacances, à Saint-Cirq-la-Popie. Il me dit, ce serait pas mal que si tu veux, tu viens. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bon, là, j'ai vu Breton avec beaucoup de gens. J'étais très timide, tout à fait normalement. Et Breton m'a demandé ce que je faisais. Bon, je dis que je ne savais pas tellement ce que je faisais. Mais que je serais peut-être à Paris, là, l'automne suivant, et là il m'a dit que si j'étais à Paris, lui faire signe, et voilà, j'ai fait signe, et deux, trois jours après, j'avais une lettre dans laquelle il me disait que nous sommes quelques-uns à nous réunir au café Promenade de Vénus, et que si je voulais passer, je serais la bienvenue. Ça s'est passé comme ça, tout à fait simplement. Et comment se passaient ces réunions ? Bon, de la façon la plus informelle qui soit, bon, c'est des gens qui avaient des affinités électives et puis qui parlaient comme quand des amis se rencontrent. Oui, c'est ça, c'était ça. Et puis bon, après, au fur et à mesure, quand il y avait des projets d'exposition, c'est là que ça se discutait. Ça discutait au café. Alors Maurice Nadeau a écrit un livre, il a été le premier d'ailleurs, sur le surréalisme, à l'intérieur duquel il explique que finalement, après la guerre, cet esprit du surréalisme s'était adouci. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, Annie Lebrun ? Non, d'ailleurs c'est un des différents avec Maurice Nadeau. Mais c'est bon, effectivement, ça n'a pas... On peut dire que... comparé à la violence de la révolte des années 20-30 qui relève de la fureur poétique, si on peut dire, parce qu'ils sont tous dans un état de tension extrême et qui est aussi, il faut bien voir, lié à la situation historique, puisque c'est quand même toute une génération qui vient de sortir, qui d'une façon ou d'une autre a été marquée par le scandale de la guerre de 14, donc qui est aussi devant l'écroulement d'un monde. Donc il y a une violence qui était tout à fait particulière de ces années-là. Mais il n'empêche que, compte tenu du paysage intellectuel sensible, que, eh bien, après-guerre, et pendant longtemps, il se trouve que bien les gens qui participaient de près ou de loin au surréalisme ont continué d'avoir justement cette attitude de refus par rapport à maintes façons de s'établir dans le monde et par rapport aussi à la littérature en tant que telle, n'est-ce pas, en tant qu'activité de spécialiste ou de production d'œuvres. Nous allons entendre André Breton. André Breton qui va évoquer les raisons diffuses qui l'ont conduit à écrire, à se définir comme surréaliste. C'est un entretien avec André Parineau du 21 février 1952. Seule la psychanalyse pourrait peut-être en rendre compte en portant très loin ces incursions dans mon enfance. Force m'est de me considérer beaucoup plus tard, disons au sortir de l'adolescence, c'est-à-dire au moment où je me connais déjà à un certain nombre de goûts et de résistances bien à moi. Ce moment peut être fixé à 1913. Vous aviez donc 17 ans. Je crois qu'à cette époque, vous suiviez les cours du PCN, l'actuel PCB, vous destinant à la profession médicale, n'est-ce pas? Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est là pur et simple alibi. En vérité, pour moi, la sollicitation est ailleurs. Ma présence physique sur ces bancs d'amphithéâtre ou à ces tables de laboratoire, est loin d'impliquer la même présence de l'esprit. Et pourtant, le démon qui me possède alors n'est aucunement le démon littéraire. Je ne brûle pas de l'envie d'écrire, de me faire, comme on dit, un nom dans les lettres. Je suis, à cet âge, l'objet d'un appel diffus. J'éprouve entre ces murs un appétit indistinct pour tout ce qui a lieu au dehors, là où je suis contraint de ne pas être, avec la grave arrière-pensée que c'est là, au hasard des rues, qu'est appelé à se jouer ce qui est vraiment relatif à moi, ce qui me concerne en propre, ce qui a profondément à faire avec mon destin. Ce n'est pas très facile à expliquer. Insistons cependant. Dans la mesure où cette disposition m'apparaît constitutive d'une façon de sentir et d'agir, qui n'est pas seulement la vôtre, mais qui s'ancrera plus tard dans le surréalisme, pareille attitude intellectuelle a une valeur, j'oserais dire, historique. En 1913, je ne connais de Rimbaud que quelques pièces d'anthologie. J'ignore encore sa fameuse formule de non-recevoir. La main à plume vaut la main à charrue, quel siècle la main ? Je n'aurai jamais ma main. Je n'en éprouve pas moins une égale répugnance pour toutes les carrières, celles d'écrivains professionnels y comprises. Horreur de tous les métiers, insistera Rimbaud. Qu'est-ce qui trouve grâce à cette époque devant vous? Ce que la poésie et l'art ont pu produire de plus rare. Un an plus tôt, Mallarmé, Huysmans, Gustave Moreau. Vous ne pouvez savoir comme j'ai tenu à approcher ceux des hommes qui prolongeaient alors cette tradition. Annie Lebrun, on vient d'entendre la voix d'André Breton, qui effectivement, dans ses années 50, continuait à assurer la continuité avec les écrivains d'avant qui comptaient énormément pour lui. Ensuite, dans les années 60, quand vous l'avez rencontré, est-ce que ce souci de préserver cette continuité littéraire de la révolte dans la poésie lui tenait aussi à cœur? Oui, c'est une des caractéristiques du personnage qui n'a jamais lâché sur rien et qui, c'est quand même, je pense que c'est très rare dans le siècle, qui a vu tellement de démissions, qui lui n'a pas démérité de l'état de refus, de la médiocrité satisfaite dans tous les domaines qui caractérise quand même ce monde-là. Donc il est resté le même, et ça c'est quand même, on ne peut que lui rendre hommage de ça. Comment avez-vous vécu l'autodissolution du groupe surréaliste en 69? Comme quelque chose qui devait arriver. Et puis comme au fur et à mesure, il se trouvait que les circonstances faisaient qu'on était dans cette situation de survivance du signe à la chose signifiée, que quand même il y avait là pas mal de gens qui, au fur et à mesure, dans la mesure plutôt où le surréalisme avait était de plus en plus diffusé, de plus en plus répandu. Bien sûr, Les personnes qui arrivaient là, il y avait une part de curiosité littéraire. Enfin, il n'y avait pas cette révolte du départ qu'on voit très bien dans ce que vient d'évoquer Breton. Bon, et après, justement, après 68, tout ça s'est tout naturellement défait. Et je trouvais que c'était très, très bien. Que c'était très, très bien, parce qu'il n'y avait pas du tout... Et toutes les personnes qui ont essayé, justement, alors de valoriser ou de tirer profit de l'audience plus grande que pouvait avoir le surréalisme, moi, ça m'a paru à la fois dérisoire et mensonger. Donc, je trouvais très bien, justement, cet éloignement des personnes. Bon, il se trouvait qu'il y avait quand même... Je suis restée en contact avec 4-5 personnes qui... Là, il s'agissait toujours, et comme d'habitude, c'est les affinités électives qui importent. Autrement, la formation de groupes ou de rassemblements pour se tenir chaud se tenait plus ou moins d'une forme de boy scoutisme comme une autre. Hein. Donc ça n'avait pas grand intérêt intellectuel. Et puis ça n'a aucun intérêt de se rassembler parce qu'on est pareil, hein. C'est, si ce n'est pour se tenir chaud. Ce qui est grave intellectuellement. Est-ce l'appartenance au surréalisme qui vous a autorisé à écrire et à publier votre premier recueil de poésie sur le champ en 67 ? Oui, parce que... Enfin, ça ne m'a pas autorisé, mais c'est là, j'avais à la fois rencontré Radovan Ivšík et d'un autre côté, lui-même, qui était très lié à Toyen, qui est cette... personne qui venait de la Tchécoslovaquie et de Prague des années extraordinaires. Donc, il y avait une sorte d'amitié. Et Toyen, quand j'avais ce texte-là, Toyen a proposé de l'illustrer. Et ça s'est fait tout naturellement. C'était même pas... Rien n'avait été décidé. Ça s'est fait comme ça. Et comment ce recueil a-t-il été accueilli ? Je sais pas. Aucun écho dans la presse ni dans la critique. Mais ça, il n'y a même pas eu de service de presse. Je ne m'associais pas de ça. C'était plutôt que tout d'un coup, il s'agissait de donner corps, de donner forme à ce qui est une sorte de tourment. Et puis bon, ça avait pris cette forme-là. J'en étais très, très heureuse avec la façon dont le livre avait été conçu, à la fois par Radovan Ivšík et dont Toyen l'avait illustré. Voilà. Alors, vous venez de parler de Radovan qui est un immense poète et écrivain, qui a été votre compagnon pendant plus de 40 ans. Nous allons écouter sa voix. Il est aujourd'hui disparu, mais je pense que c'est un homme qui n'a jamais été assez connu, assez mis dans la lumière. Il est d'une importance considérable. J'espère que le temps lui redonnera son importance. Nous allons l'écouter parler du rêve, de l'imagination et du surréalisme comme d'une manière d'être. C'est un entretien du 3 février 2008 avec Jean Bollery. Dans Cascade, votre livre où on voit très bien votre itinéraire et où on vous voit arriver de Zagreb à Paris, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé et qui est celle-ci. Prenez-moi tout, mais les rêves, je ne vous les donne pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que le rêve soit une chose oubliée dans notre siècle, c'est tout à fait vrai. Cette réalité, cette veille, il y a un mot en croate, java, donc ça veut dire tout qui est le contraire de rêve. La réalité... C'est un épouvantail pour les rêves. Les rêves, on les chasse comme les oiseaux nuisibles. L'imagination. Je ne sais pas comment parler de l'imagination, mais l'imagination comme le rêve, comme la poésie, tout ça, ça fait partie d'un monde qui est actuellement très malmené, plus que malmené, qu'on veut complètement éliminer. Vous dites merveilleusement un moment par rapport... au surréalisme, qu'il a mis en lumière que la poésie était une manière de vivre. C'est ça qui est très important, je crois, de le souligner. Vous faites bien de le souligner. Le surréalisme n'est pas un mouvement artistique. Le surréalisme n'est pas comme, disons, le fauvisme, l'impressionnisme. Il n'y a pas d'art surréaliste en soi-même par le style surréaliste. Il y a seulement un refus de ce monde-là tel qu'il est. Il s'agit de la vie et non pas de l'art. Nous venons d'entendre la voix de Radovan. Il vient de parler du rêve, de l'imagination, de ce pouvoir de l'imagination et de définir le surréalisme comme vous veniez de le définir, comme un acte de résistance qui perdure. Et j'ai l'impression que cet amour réciproque que vous portiez vous a aussi porté haut et fort dans les hautes altitudes de la pensée, Annie Lebrun. Je ne sais pas si c'est les hautes altitudes, mais il n'empêche que le fait effectivement de pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui sait de quoi il s'agit facilite la vie, surtout quand il y a ce désir de vivre un peu autrement que les solutions qui nous sont proposées. Cette sorte de relations à travers lesquelles on a la chance que quelque chose dure, ça relève des grands paris. Et on ne sait jamais si ça va continuer ou non. Mais bon, que ça puisse exister, c'est quand même de l'ordre des choses qui peuvent réconcilier avec ce qu'on peut appeler l'inacceptable condition humaine. Voilà. Vous avez parlé de Toyen, il y a aussi Hans Bellmer, et il y a à l'intérieur de votre œuvre à la fois poétique mais aussi politique, un accompagnement très important de la peinture, d'une certaine peinture, et de la représentation du monde par des peintres qui, justement, l'anamorphose, la métamorphose. Comment est venu cet amour de la peinture pour ce mouvement-là? Je pense qu'on ne peut pas, justement, on ne peut pas séparer ce qui passe à travers les mots et ce qui passe à travers les images. Puisque, dans le fond, quand il s'agit du surréalisme ou d'autres parcours qui ne sont pas très différents. Il s'agit dans le fond plutôt d'une quête, c'est d'essayer de que chaque être trouve la singularité de ce qui le relie au monde. Et du coup, on pourrait dire que tout est bon, tous les chemins sont bons, du moment que soient refusées les multiples formes d'asservissement. Et de ce fait, alors il s'agit toujours d'élargir l'horizon. Et c'est ça à ce moment, et c'est aussi ce qui a fait la richesse du surréalisme. D'abord, c'est que on voit, et c'est pas, je veux pas faire une sorte de plaidoyer pour le surréalisme, mais de façon tout à fait objective, on voit que cette façon d'être au monde a fait que des personnes tout à fait différentes se sont retrouvées justement dans une même constellation, et cela a amené à ce que ces êtres puissent aller chacun plus loin en quête d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça extrêmement important, cette sorte de déploiement, de possibilité d'élargir l'horizon. Et c'est toujours de ça dont il s'agit, aussi bien individuellement que collectivement. Et aussi, il y a l'idée que, comme l'asservissement est très souvent est contagieux et que la soumission est contagieuse, heureusement que parfois, ça se retourne complètement. Et aussi, la liberté est contagieuse. Donc le fait qu'il y ait autour de vous, près de vous, ou de façon amicale, des êtres qui commencent à respirer un peu mieux que les autres, eh bien, ça aide. Et c'est cette sorte de contagion-là de la liberté qui caractérise le surréalisme, indépendamment forcément des crises qu'il y a eu, même aussi des erreurs, aussi des choses... Enfin, c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Mais c'est plutôt la tendance et le projet qui me paraît quand même sans grand équivalent, si ce n'est peut-être le romantisme allemand. Il y avait aussi une sorte de désir de repenser l'homme, et dans cette perspective-là, eh bien de repassionner la vie. Parmi vos compagnons, il y a eu Jean Benoît. Jean Benoît est plasticien. Nous allons l'écouter. Il va raconter ce qui l'a conduit un certain soir de 1959 à ce qu'il a appelé l'exécution du testament du marquis de Sade. C'est une archive du 29 avril 1991. Il y a un moment donné, il y avait ce costume de Sade que j'avais fait en 1949. Et quand j'ai rencontré Breton, c'est-à-dire que c'était un costume qui était fait pour la rue, parce que j'étais très jeune et j'imaginais qu'un costume comme ça pourrait être manifesté dans la rue. Alors que c'était une aberration, quoi. C'est-à-dire que c'était une excitation de jeunesse, comme ça, croyant totalement à Sade. Il fallait que ça passe. Et puis, je ne voyais pas par quel moyen y arriver. Jusqu'au moment où ce costume-là a été créé, c'est-à-dire plastiquement, en 49, a vécu grâce à André Breton. Maintenant, vous dire par quel cheminement c'est arrivé... C'est assez compliqué à raconter, mais je viens me livrer tel que je suis. C'est-à-dire que, comme tout homme amoureux d'une femme, j'avais décidé, comme tout homme, je crois qu'il y a un peu de conviction, d'être fidèle à ma femme. Alors, tout à coup, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie après 5 ou 6 ans comme ça? Je rencontre une autre femme. Voilà, me voilà follement amoureux d'une autre femme. Et ma femme, la première tricherie dans ma vie, c'est que je ne lui dis rien et elle me croit fou. C'est-à-dire que je suis tombé follement amoureux d'une autre femme. Je passe 6 mois avec elle et par rapport à des cauchemars qui seraient trop longs à expliquer, je reviens à ma femme. Et là, je me dis, Jean, c'est terminé, tu vas être à nouveau fidèle. Alors, pour ce faire, je me suis dit, je vais me marquer du nom de ma femme. C'est-à-dire que je vais me mettre un M sur la poitrine. On me fabrique un fer, ce que j'appelle le fer à conviction, et je marque d'un M majuscule sur ma poitrine. Et peu de temps après, 3 mois ou 4 mois après, je rencontre à nouveau cette femme. Malheureusement, cette femme s'appelait Micheline. Alors immédiatement, on montre un hôtel et... la folie, la flamme reprend, on se retrouve à l'hôtel, je me déshabille. Elle dit, comment, Jean, tu t'es démarqué de mon nom? Et une femme qui se donne et s'abandonne, moi, je ne peux pas ne pas tricher. Ça, c'était trop beau. J'ai dit oui. Alors là, retourne à nouveau auprès de ma femme. Et quand est arrivé le costume de Sade, pour arriver à le faire passer, parce que je ne voulais pas que ce soit uniquement du domaine artistique, j'ai pensé... en m'imprimant le nom de Sade, que j'oblitérais tout ça et je me retrouvais nu, comme au départ. Il faut peut-être dire que ce M avait été gravé au fer rouge, imprimé au fer rouge. C'est ça. Et que les armes de Sade étaient aussi imprimées au fer rouge. C'est ça. Voilà. C'est ça, que ça soit indélébile dans la peau. Et vous avez encore la marque. Oui. Ouais, ça s'en va jamais. Oui. Parce que là, il y a 3 jours avant la manifestation, il y a un médecin, un ami à moi, qui m'a dit, Jean, les forçats, on les marquait dans le dos. Alors, moi, je ne lui ai pas dit que c'était déjà fait, quoi. Alors, incroyable archive. Qui était Jean Benoît? On a une idée. Vous avez une petite idée. Ça vous a fait sourire. Oui, beaucoup, même rire, parce que, il était comme ça. C'est-à-dire, c'est justement un personnage qui... Il vient de disparaître. Qui est mort l'été dernier, oui. Mais c'était un personnage qui avait cette liberté d'être et aussi de raconter comment il vivait. Et ce qui lui arrivait, et toujours avec aussi donc un sens de l'humour incroyable, comme vous avez pu le constater. Et c'est ça aussi, moi, qui me passionnait chez lui, c'est le fait qu'il y avait cet humour, et dans le même temps, il était capable de faire des choses complètement sublimes, parce que la façon là, dont il évoque cette cérémonie qui a lieu, ça a été quand même quelque chose d'incroyable, puisque c'était au... Pour donc très jeune, il s'est enthousiasmé pour Sade et il a vu que ce que avait demandé Sade, que son corps soit comme ça complètement dispersé, jamais ça n'avait été respecté. Donc, étant donné sa passion, son enthousiasme pour Sade, il s'est dit qu'il fallait d'une façon ou d'une autre rendre ou réhabiliter en quelque sorte la mémoire de Sade, mais pas de façon littéraire, de façon physique. Et donc, en prenant le risque pratiquement de mourir, puisque en se marquant au fer rouge sur le, à la place du cœur, justement cet ami médecin lui avait dit que bon, le choc était tel, ça risquait de, il risquait d'y laisser sa peau. Et non, et il a fait ça aussi. En plus, c'est important de rappeler ça, parce que c'était pour montrer tout simplement que les idées, c'est pas du papier. Que c'est pas indifférent, mais en même temps, c'était pas du tout à des fins artistiques, puisqu'il avait fait ce truc-là pas du tout comme une œuvre, et ça a eu lieu, ça s'est fait justement comme il avait rencontré quelque temps avant Breton, ça s'est fait dans l'appartement privé de Joyce Mansour, donc c'était sur invitation, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de presse, etc. Donc seulement les personnes étaient invitées, seules les personnes qui s'étaient occupées de ça. Donc c'était à peu près une centaine de personnes. Et c'est important parce que quand maintenant il y a tout ce truc misérable, des performances, des machins, tout ça, cette exploitation à des fins de, on pourrait même pas dire artistiques, tellement c'est minable, parce que c'est dérisoire, c'est une sorte de petit exhibitionnisme. Ça, de voir que, bon... quand même en 59, Jean-Benoît a fait quelque chose de cet ordre-là, c'est tout à fait différent. Et on voit bien qu'il s'agit toujours de cette quête, d'essayer d'aller au-delà, de voir de quoi nous sommes faits et quels fantômes viennent à notre rencontre. Vous nous avez fait découvrir Sade autrement. Au départ, il y avait eu une demande de Jean-Jacques Pauvert pour faire une préface à la réédition des œuvres complètes du Divin Marquis. Et puis cette préface est devenue tellement importante qu'elle est parue sous forme d'un livre qui s'est intitulé « Soudain, un bloc d'abîme ». D'ailleurs, dans le dernier livre de Jean-Jacques Pauvert, qui sont ses mémoires, il parle abondamment de vous et il explique à quel point il a été transporté physiquement. Alors vous qui venez de dire que les idées, ce n'est pas forcément du papier, il dit à quel point, en lisant votre texte sur Sade, soudain un bloc d'abîme, il a été littéralement propulsé hors de lui-même. Que s'est-il passé pour vous, à l'intérieur de vous, quand vous avez découvert Sade et que vous avez essayé de cartographier ce continent, Annie Lebrun? Ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que, bon, quand j'ai commencé à... D'abord, je me suis intéressée au roman noir. Donc, cette sorte de littérature, sous-littérature, qui apparaît en pleine époque des Lumières, et qui est très intéressante, puisque de façon spontanée, de façon plurielle, en quelque sorte, tout se passe comme si l'imagination collective... fabriquer un décor en complète discordance avec ce qui est au devant de la scène, c'est-à-dire alors que on met l'accent sur la raison, sur la maîtrise que permet l'exercice de la raison, voilà que tout d'un coup sort ces livres qui se passent toujours dans le même décor et où on découvre un univers qui va être celui du romantisme, c'est-à-dire où on découvre la grande nature, on découvre la forêt, on découvre les orages, les précipices, et c'est le lieu où on s'aperçoit que ces excès de la nature correspondent aux excès qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous, et c'est une façon de penser la violence érotique, justement au moment où la représentation ordonnée et chrétienne du monde est en train de s'écrouler, tout d'un coup, justement, on essaye de donner une forme au tourment, à l'angoisse qui apparaît du fait que maintenant, il y a d'autres forces qu'on ne peut pas forcément nommer comme le mal, mais qui sont en nous. Et il me semble que toute cette organisation du roman noir, si on peut dire tout ce phénomène-là, correspond à une façon d'essayer de penser ce que les philosophes des Lumières ne peuvent pas penser, sur quoi ils font une sorte d'impasse. Et c'est chemin faisant que tout d'un coup, je me suis arrivée à me rendre compte que, eh bien, ces châteaux, qui, il faut dire que dans ces romans... Votre livre s'intitulait « Les châteaux de la subversion ». Oui. Et que, bon, il faut dire qu'à la fin, bon, il se passe des choses tout à fait intéressantes, comme ça, mais il n'empêche qu'il y a toujours un retournement, la morale est sauve. Or, qu'est-ce que fait Sade, qui pratiquement arrive quelque temps après? Lui, il va utiliser le même décor, le même château, mais il commence là où les autres s'arrêtent. Et c'est là que donc, j'ai commencé à m'intéresser à Sade. Et puis, donc, j'ai lu Sade comme tout le monde dans ces années-là, c'est-à-dire c'était assez difficile puisque c'était interdit à la vente. Donc il fallait trouver des circuits pour se procurer ça. Et bon, j'ai évidemment été très impressionnée, mais c'était quand même assez fort, et où sans doute, et il se peut aussi que beaucoup de personnes étaient dans le même état que moi, qui s'en sont remis, comme moi, je m'en suis remis, aux grandes lectures qui avaient été faites auparavant. C'est-à-dire les lectures de Bataille, de Blanchot, qui faisaient qu'on se laissait prendre théoriquement par la main pour accéder quand même à cette pensée très, très curieuse, très agitante, et bon. Et j'en étais restée là. Et puis, quand donc, un jour, Jean-Jacques Pauvert, à la suite des Châteaux de la Subversion, où il y a un chapitre consacré à ça, m'a dit, mais vous devriez quand même, je vais rééditer, parce qu'il faut bien dire que Jean-Jacques Pauvert, c'est l'éditeur qui a eu le courage de publier pour la première fois, sous nom d'auteur, les œuvres du Marquis de Sade. Donc il m'a dit, je vais quand même republier les Sade, mais ce serait pas mal si vous faisiez une préface. J'ai dit oui, un peu inconsidérément. J'ai dit combien de pages ? Oh, il me dit, on peut aller jusqu'à 70. Bon, donc bon, je suis partie comme ça. Et au fur et à mesure que... Donc j'ai tout relu, évidemment. Et puis j'ai relu tout ce qu'on avait écrit sur Sade. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que je lisais, la lecture que je faisais de Sade, ne correspondait plus du tout à ce que les grands exégètes avaient dit. Et alors je me suis rendu compte que les 70 pages, ça commençait à devenir beaucoup plus. Et je disais à Pauvert, je lui disais, mais ça n'est pas... Il dit, ça n'a aucune importance, continuez. Et puis c'est devenu à peu près 300 pages, au cours desquelles je raconte, hein, en quelque sorte, la lecture et l'aventure que ça a été de découvrir cette œuvre-là, où, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, il s'avère que Sade n'est pas un philosophe, mais que c'est une sorte de pensée qui dépasse la philosophie, moi, que je rattache à la poésie. Et parce que chez lui, c'est la preuve qu'il n'y a pas... Enfin, il me semble que tout se passe comme s'il voulait établir qu'il n'y a pas d'idée sans corps, et en même temps qu'il n'y a pas de corps sans idée. Et ça, c'est quand même quelque chose de très exceptionnel dans la pensée, ce qui est la nécessité de ramener le corps dans la pensée et d'éprouver la pensée par rapport à la violence de ce qui nous habite. Nous allons écouter Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Vous devinez pourquoi ? Oui. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This gracious great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. This gracious great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine, that you're my nail dance and I twitch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hell, when I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Toujours le corps. Eh oui. La passion. Oui, c'est ça, le feu. Oui, le feu. Le feu. Ah oui, oui. Alors, il faut expliquer que vous venez de publier un texte qui s'intitule « Ailleurs et autrement » dans la collection Arcade chez Gallimard, qui est un recueil de tous vos articles que vous avez donnés à la Quinzaine littéraire, où Maurice Nadeau vous a proposé l'année 2000 de parler de ce que vous vouliez, et qu'effectivement, dans un article, vous rendez hommage à ce merveilleux livre de Nick Toches, où il parle de Jerry Lee Lewis. Oui, oui. Bon, il faut dire que le livre est extraordinaire parce qu'il y a... Hellfire. C'est assez compliqué de rendre compte de ça, de ce qu'on vient d'entendre. Et le livre a cette sorte de pouvoir de rendre compte du feu. Et ce qui m'a le plus intéressé dans cette biographie là, de Jerry Lewis, c'est qu'il s'agit d'un petit garçon au départ qui n'a rien, qui sort d'une campagne complètement tout est limité, où il a même pas le droit, il y a la séparation avec les noirs, etc. Et lui, le petit garçon, va clandestinement aller dans les bordels, ou enfin, s'approcher des bordels ou des cafés louches où, à ce moment-là, les noirs jouent. Et c'est l'éclosion, la façon dont cet enfant est mené par le feu qui l'habite et la passion de la musique qu'il a et qui va donner cette chose tout à fait extraordinaire et qui va continuer à brûler jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je crois. Et avec une vie tout à fait complètement, complètement chaotique, parce qu'il est habité par ça. Alors, vous continuez à poursuivre le feu de différentes manières, Annie Lebrun, à la fois par des traités de subversion politique et poétique, et à la fois par la réhabilitation d'auteurs un peu trop occultés dans l'histoire de la littérature, dans l'enseignement, je n'en parle même pas. Il y a Jarry, il y a Aimé Césaire, il y a Roussel, il y a Michel Léris. Nous avons trouvé pour vous une archive où Michel Léris se souvient de Raymond Roussel. C'est un entretien avec Marion Thibat du 7 janvier 1988. Roussel m'avait vu pratiquement naître. Alors quand j'étais très petit, évidemment, je croyais que c'était mes parents qui avaient raison dans leur jugement littéraire. Ils aimaient beaucoup, seul il l'aimait énormément, car il était un homme charmant, mais il considérait que littérairement il divaguait. Ce n'est que plus tard, une fois adulte, que je me suis mis à aimer beaucoup, beaucoup ça, à cause de l'abondance et la singularité de son imagination, et puis aussi à cause de la façon dont c'est écrit, on peut dire presque sans aucun style. C'est un admirable écrivain. En quelque sorte, il n'est pas un écrivain. Il écrit de son mieux pour rendre compte de son mieux, aussi élégamment qu'il le peut, avec toutes les règles qu'on apprend au lycée, de la concision, éviter les répétitions de termes, etc. Enfin, il applique tout ça scrupuleusement et il arrive à ce style tout à fait transparent, qui, si l'on veut, style qui n'est pas un style, mais qui précisément a ceci d'admirable. Et par ailleurs, les histoires que raconte Roussel, ce sont des histoires pour être racontées. Il n'y a absolument aucun message à chercher là-dedans. C'est de l'imagination pure. Son seul but, au fond, c'est d'écrire. C'était la fraîcheur même. Il avait la fraîcheur même de l'enfance. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il avait cette capacité de forger des mythes, etc. Je veux dire que presque chaque histoire qu'il raconte a une valeur de mythe. C'est-à-dire, c'est très profondément senti. Il ne se souciait pas du tout d'être un homme cultivé. Ça, ça lui était égal. Il lisait ce qui l'intéressait ou ce qui l'amusait immédiatement. Ça pouvait être de la littérature populaire. Il adorait Alexandre Dumas, par exemple. Il adorait Pierre Loti, un véritable culte pour Jules Verne. Ce qui l'intéressait directement. Disons, ce qu'on appelle un honnête homme lit pour sa culture. Et il faut bien lire ceci, lire cela. Lui, ça lui était totalement égal. Je trouve ça admirable. Vous souscrivez aux propos de Michel Léris sur Raymond Roussel ? Oui, oui. Et surtout que ce soit l'occasion de dire que sûrement ce qui a été écrit de plus juste, de plus profond sur Roussel, c'est Léris qui l'a fait dans son recueil qui s'appelle, pas du tout par hasard, qui s'appelle Roussel l'ingénu, et qui montre justement quelle sorte de lumière qui ne ressemble à aucune autre, Roussel apporte, ouvre l'horizon, mais d'une façon dont on ne pouvait pas avoir idée avant. Et c'est tout à fait étonnant, je dois dire. Et là, Léris, étant donné qu'il a connu, puisque son père était l'agent de change de Léris, il a connu petit garçon, Roussel, a eu une sorte aussi d'accès non littéraire et s'est retrouvé de plein pied dans le monde de Roussel. Mais aussi, il faut ajouter cette chose très incroyable, c'est que tout petit, Léris a vu l'adaptation théâtrale des Impressions d'Afrique de Roussel, une Afrique des plus imaginaires où, bien sûr, Roussel n'avait jamais mis les pieds. Et Léris a trouvé utile de signaler que c'est bien la vue de cette Afrique imaginaire qui, chez lui, a provoqué son désir de devenir ethnographe et d'aller en Afrique et d'écrire aussi l'Afrique fantôme. Vous voyez, il y a une sorte de jeu d'irréalité et de réalité. Et je pense que les grands départs comme ça de la pensée, de l'imagination, se font sur des choses comme ça. Il faut aussi rappeler que à cette représentation d'impression d'Afrique ont assisté en 1911 Guillaume Apollinaire, Picabia, Duchamp. Et on sait aussi à quel point Duchamp a dit à quel point il avait été impressionné par ce spectacle-là, et que sans ce spectacle-là, il n'aurait sûrement pas fait ce qu'il a fait après. De Michel Léris, vous parlez beaucoup dans ce livre paru il y a peu de temps, qui s'intitule « Si rien avait une forme, ce serait cela ». Depuis le début de cette émission, vous parlez du feu, de la contagion de la passion. Et dans ce livre, « Si rien avait une forme, ce serait cela », vous parlez aussi du noir et de la nuit effroyable dont parle Hegel. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi que vous essayez de poursuivre. L'horizon qui s'élargit, mais aussi peut-être cerner la nuit effroyable. Peut-être pas la cerner, mais de bien avoir présent à l'esprit qu'elle est toujours là. C'est ça. Qu'elle est toujours là avec... porteuse de toutes les frayeurs possibles, mais que dans le même temps, c'est dans cette nuit-là que les uns et les autres retrouvent chaque nuit, si je puis dire, le plus singulier. Et que sans en passer par cette nuit, je pense qu'on ne peut pas aller bien loin. Merci Annie Lebrun. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Julien Douming, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, et bonne soirée à l'écoute de France Culture.